les chasseurs de nazis. Chapitre 2, du gibier en tout genre, cinquième épisode. Quand on pense aux nazis qui se cachent en Amérique latine, on croit tout d'abord qu'ils se cachent dans la jungle quelque part, entourés de gardes du corps, qu'ils vivent quelque part au sommet des montagnes andines où personne ne peut les atteindre. Mais la vérité, c'est qu'ils habitent la porte à côté. Le journaliste argentin Uki Goni, auteur d'un essai incontournable sur la fuite des nazis dans son pays, intitulé « La véritable Odessa », en déambulation dans les rues de Buenos Aires. Par exemple, nous sommes ici dans le quartier d'Olivos, dans la ville de Buenos Aires. C'est un quartier confortable de la classe moyenne, typique de la banlieue de Buenos Aires. Et cette maison, eh ben, en fait, c'est celle du plus grand criminel de guerre qui est venu en Argentine, Adolf Eichmann. Il a vécu ici dans les années 50, sans protection. Voilà, un quartier classe moyenne typique, avec des voisins d'à côté, qui savaient peut-être qui il était, ou pas, allez savoir. Une femme a cherché à comprendre comment vivait le théoricien de la solution finale à Buenos Aires. Cette femme, cette forte tête de la pensée contemporaine, visiblement aussi douée pour mener une enquête policière que pour échafauder un combat rhétorique, c'est la philosophe allemande Bettina Stangnetz. Elle a écrit un essai qui fait date intitulé « Eichmann avant Jérusalem ». Elle nous raconte dans un bar d'Hambourg le fruit de ses recherches de 10 ans pour débusquer Eichmann dans les archives secrètes allemandes, américaines, israéliennes et argentines. Il était coincé à Buenos Aires, coincé en Argentine, les yeux tournés vers la République fédérale allemande. Et il voyait tous ses anciens collègues retrouver un bon emploi, avoir de l'argent, percevoir une bonne retraite, etc. Et lui était privé de tout ça. C'était le système qui régnait alors en Allemagne de l'Ouest. Même si quelqu'un parvenait à vous traîner devant les tribunaux, si on vous demandait ce que vous faisiez l'été précédent, vous vous en sortiez avec une peine très légère, quelques années de prison. Puis vous retourniez dans votre famille, vous preniez votre retraite et votre famille touchait l'argent. Eichmann était très allemand et son pays lui manquait beaucoup. Il avait la nostalgie de la cuisine germanique, du climat et toutes ces petites choses humaines normales qui vous manquent. Et l'Argentine est très différente de l'Allemagne. Son plan était donc de rentrer au pays, de ramener ses quatre fils pour les élever dans sa propre culture. Il estimait avoir beaucoup œuvré pour la culture allemande. Il avait consacré sa vie, sa carrière à l'Allemagne. Il l'avait fait pour ses enfants. Alors il voulait trouver un moyen pour qu'ils puissent rentrer en Allemagne et y vivre. Son plan n'était pas mauvais. Je crois qu'il a commis une erreur toute particulière. C'était que même si son plan fonctionnait, il y avait des gens avec 6 millions de bonnes raisons de l'empêcher de se promener librement dans les rues allemandes. Il y avait ses victimes. Et il y avait les survivants de ces victimes qui demandaient des comptes, même en 1956 en Allemagne. Le chancelier Konrad Adenauer était confronté au problème de devoir construire un nouveau pays et une nouvelle société avec des hommes et des femmes du passé. On ne pouvait pas changer tous les Allemands d'un coup. Et c'est une fable quand on prétend que très peu d'Allemands savaient et que très peu d'Allemands étaient des nazis convaincus. C'est une fable. Il y avait donc cette société qui grouillait de nazis convaincus et il fallait bâtir une société nouvelle pour revenir dans la communauté internationale, dans le concert des nations. Adenauer a donc dû faire des concessions, mais il a fait beaucoup trop de compromis. L'un d'eux était Hans Globke. Mais Hans Klopke était un signal, une sorte de message envoyé au pays. S'il est possible de rééduquer quelqu'un comme Hans Klopke et d'en faire un conseiller de la nouvelle République, la République fédérale allemande, alors tout le monde peut changer. Ce que ne dévoile pas Bettina Stangnetz, c'est le pédigré d'Hans Klopke. Il fut le responsable pendant le Troisième Reich de l'élaboration des critères de, je cite, « la souillure raciale ». Entendez, celle des Juifs. C'était curieux, c'était une erreur de la part d'Adenauer. Parce qu'évidemment, quelqu'un comme Hans Klopke n'allait pas changer. Il suffit de voir ses liens avec les services secrets allemands. Oui, mais la CIA, il ne faut pas surestimer le rôle de la CIA. Bien sûr, la CIA a essayé d'imposer sa loi aux services secrets allemands. Mais les agents de renseignement allemands, en particulier Gehlen, avaient leur propre plan. We're not willing to accept this role. Et ils n'étaient pas prêts à accepter d'être instrumentalisés par la CIA. Most of all, they want to protect themselves. Ils voulaient surtout se protéger, éviter d'avoir à répondre à des questions sur leur passé. Klopke était l'un des co-rédacteurs et commentateurs des lois de Nuremberg. La théorie raciste des nazis. And it's not, there's much more to say about Hans Klopke. Et il y aurait encore tant à dire sur Hans Klopke. Raciste, convaincu, nationaliste, fervent. You can say a lot about et j'en passe. But yes, mais oui, quelqu'un comme Eichmann connaissait tous ces noms. And for him, sitting in the Pampa et pour lui, échoué au milieu de la Pampa argentine, responsible for rabbits, réduit à s'occuper de lapins, it was not so easy. Ce n'était pas facile to make this comparison between quand il comparait leur sort et le sien. Life. So he tried alors to il s'est mis à échafauder des plans pour rentrer. People like Hans Klopke, les gens comme Hans Klopke were a sign of hope représentaient un signe d'espoir pour Eichmann. Si ils y étaient arrivés, il le pouvait aussi. Pourriez-vous me raconter l'épisode où Eichmann écrit une lettre au chancelier Adenauer en 1956 ? Après 1945, les nazis avaient de gros problèmes, évidemment. Ils ne voulaient pas se faire arrêter. Ils voulaient échapper à la justice. Mais le mouvement nazi est un mouvement qui aime la publicité, les publications. C'est un mouvement d'autodéclaration. Je pense que c'est l'entourage d'Eichmann qui l'a poussé à écrire cette lettre ouverte. Il voulait expliquer à Adenauer comment lire l'histoire allemande, comment réinterpréter l'histoire nazie pour assurer un avenir radieux à l'Allemagne. Bien sûr, il ne s'agissait ni d'éduquer ni d'éclairer les esprits. C'était de la manipulation. Eichmann, comme tout le monde autour de lui, voulait rendre sa grandeur à l'Allemagne. The Nazi Germany back. Et il voulait le retour de l'Allemagne nazie. And to get it, this re-Nazi movement. Et pour recréer ce grand mouvement nazi, il devait construire et jeter des ponts. Il a tenté de se justifier de manière à pouvoir entrer en Allemagne. Les chasseurs de nazis, c'est fini pour cette semaine. Eichmann himself. Eichmann connaissait ses ennemis. Eichmann savait très bien qu'un jour, quelqu'un le traînerait en justice. Vous pouvez retrouver toutes les notices bibliographiques sur notre site internet, un site internet préparé et conçu par Christine Bernard. Témoignage traduit et dit par Eve Dair et Michel Zlotowski. Texte lu par Elisabeth Mazev et Xavier Xapla. Prise de son, Olivier Dupré et Julien Douminc. Cette histoire, mixé par Alain Joubert, réalisé par Jean-Philippe Navarre et raconté par Michel Pomared, revient dès lundi avec le chapitre 3 intitulé les précurseurs.